الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا أحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير ويمن وبركة وأن يزيدنا إيمانا وعملا وتوفيقا. موضوعنا في هذه الليلة المباركة كما أخبرتم هو من أسباب زيادة الإيمان، وكما ذكر أخونا سعيد هو موضوع في غاية الأهمية يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة. والإيمان كما تعلمون، بل هو كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. قد دلت أدلة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على زيادة الإيمان ونقصانه. يقول الله جل شأنه في بداية سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهناك آية أخرى تدل على هذا الأمر. لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى شيء عن نقصان الإيمان، لا تجدون آية يقول الله تبارك وتعالى فيها أن الإيمان ينقص، ولكن كل ما كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقصان، لأن أي شيء زاد كان قبل الزيادة أنقص من قبل الزيادة. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما تحدث عن النساء، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فقالت النساء: يا رسول الله، وما نقص دينها وما نقص عقلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست شهادة المرأة تعدل أو تكون على نصف شهادة الرجل؟ فقلنا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا نقص عقلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليست المرأة إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ قلنا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فهذا نقصان دينها. Donc le sujet donc de cette conférence c'est les causes qui aident à augmenter la foi. Et donc c'est un sujet très important dont ont besoin tous les musulmans. La foi, qui est en arabe l'iman, comme vous le savez, augmente et diminue. Et c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus à la sunna wa jama'a. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de l'augmentation de la foi. Il dit au début de surat Al-Anfal: les croyants sont ceux dont les cœurs fermissent ou bien frémissent quand est mentionné le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et il dit également: Et quand une sourate est révélée, il y en est parmi les gens qui disent « Quel est celui d'entre vous dont cette sourate a fait croître la foi ?» Donc les croyants, les sourates qui sont révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisaient augmenter leur foi. Dans le Coran, vous ne trouverez pas de verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la baisse de la foi. Mais toute chose qui accepte une augmentation accepte forcément une diminution. Du fait que toute chose qui augmente était avant l'augmentation plus faible et diminuée. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Al-Bukhari ou Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant des femmes, je n'ai jamais vu de personnes dont la religion et la raison sont diminuées et qui sont capables malgré cela de tourner la tête à un homme que vous, les femmes. Une femme a alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quelle est la diminution de sa foi, quelle est la diminution de sa religion et de sa raison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, n'est-il pas vrai que la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne jeûne pas et ne prie pas? Les femmes ont alors dit, c'est vrai au prophète. Le prophète, il leur dit, c'est ça la diminution de sa religion. Le prophète a alors dit, le témoignage de la femme n'est-il pas semblable à la moitié du témoignage d'un homme? Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَمْرَأَتُنْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَمْرَأَتُنْ هَنْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَمْرَأَتُنْ فَرَجُلُنْ وَمْرَأَتَنْ. Donc le témoignage de la femme est semblable à la moitié du témoignage de l'homme. وكذلك الكفر يزيد وينقص كما يزيد الإيمان يزيد الكفر عياذا بالله. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم وأولئك هم الضالون. Également, comme la foi augmente, la mécréance augmente. En ce qui concerne les non-musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté et ceux-là seront vraiment les égarés. Et bien, comme أخبرتكم سنحاول في هذه الليلة أن نتعرف على بعض الأسباب التي تزيد إيمان العبد وليس بالإمكان أن نحيط بها كلها لأنها كثيرة جدا. كل طاعة تزيد في الإيمان وكل معصية تنقص من الإيمان. فلو أردنا أن نحيط بالأسباب كلها لا طلب منا نتحدث عن كل طاعة طاعة طاعة وهذا من المحال. ولهذا سنحاول أن نذكر بعض الأسباب وسنقيس غيرها عليها. فإذا أطاع العبد ربه أحس في قلبه أن الإيمان يقوى ويزيد. وفي المقابل إذا وقع الإنسان في المعصية أحس في قلبه أن إيمانه قد ضعف وقد نقص. وقبل ذكر الأسباب سنذكر توطئة سنذكر فيها أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة وهو المتبع صلى الله عليه وسلم. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالعبادة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالعبادة ويستمتع بها صلى الله عليه وسلم. ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمؤذنه بلال ابن رباح radiallahu anhu, Ya Bilal, arihna bis salat. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها من النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحته إذا دخل في الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا حزبه أمر يعني صعب عليه أمر فزع إلى الصلاة بخلاف أحوال الكثير من المسلمين اليوم إذا حزبهم أمر هربوا من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان على عكس ذلك إذا حزبه أمر نسي هذا الأمر وصعوبته بدخوله في الصلاة وكذلك صحابته رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في سفر فجاءه نعي اخي قثم يعني اخبر ان اخاه قد توفي فنزل من راحلته واسترجع وقال انا لله وانا اليه راجعون ثم تنحى عن الطريق فاناخ دابته فصلى ركعتين الان اخبر ان اخاه قد مات ومع ذلك قام فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فالآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استعان بالصلاة على المصيبة التي ألمت به وهي فقد أخي وهو من أكبر المصائب في هذه الحياة الدنيا أن تفقد قريبا لك ومع ذلك أول شيء فعله عندما أخبر بهذا الخبر المحزن فزع إلى الصلاة رضي الله عنه Donc nous allons essayer de parler des causes qui font augmenter la foi. Les causes qui font augmenter la foi sont très très très nombreuses. Toute obéissance fait augmenter la foi. Donc c'est pour cela que nous ne pourrons pas parler de toutes les causes qui font augmenter la foi, car cela en reviendrait à parler de toutes les adorations. Donc nous allons essayer, Inch'Allah, de citer quelques causes qui aident à faire augmenter la foi, et la personne pourra donc avancer ainsi et voir les restes des causes qui augmentent et élèvent la foi. Donc chaque personne, lorsqu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala, lui obéit, elle ressent dans son cœur que sa foi augmente. Donc plus tu obéis à Allah, plus ta foi augmente, et plus ta foi augmente, plus tu as envie d'œuvrer. Et à l'inverse, lorsque tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, ta foi diminue. Et plus ta foi diminue, moins tu as envie d'œuvrer. Donc avant de citer les causes, Inch'Allah, nous allons essayer de montrer quelle était l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il se comportait avec les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposées. En ce qui concerne la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait un plaisir à prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait un plaisir à prier. Il disait même à Bilal, son mu'avvin, ô Bilal, repose-nous par la prière, c'est-à-dire fais des qama afin que nous puissions nous reposer lorsque nous rentrerons en prière. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait une chose ici-bas qui lui posait un problème, il se dirigeait directement vers la prière et trouvait refuge auprès de la prière sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à beaucoup de musulmans aujourd'hui, lorsqu'il y a une chose difficile, un événement, une catastrophe qui arrive, les gens fuient de la prière et trouvent ça comme excuse pour la délaisser. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela lui était tel un échappatoire de tous les problèmes de ce bas monde. Et également ses compagnons radiallahu anhum ont suivi sa voie sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma Il était un jour en voyage. Et pendant son voyage, une information terrible lui est arrivée. L'information était qu'il avait perdu son frère Qusaym. Abdullah ibn Abbas, en entendant cette terrible information et cette terrible nouvelle, il a alors dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous reviendrons. Ensuite, il s'est écarté du chemin sur lequel il était, il a attaché sa monture et il s'est levé et a fait deux raka'at très longues. Puis après la prière, il s'est levé et s'est remis à marcher vers sa monture en disant « Wasta'inu bis-sabri was-salah ». C'est le verset de Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne les croyants de rechercher un secours dans la patience et dans la prière. Et que cette prière est une obligation énorme, sauf pour les gens humbles. Wa inna hala kabiratun illa ala al-khashin. Abdullah ibn Abbas, une nouvelle terrible, comme la perte de son frère, la première chose qu'il a fait, il s'est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant refuge et aide auprès d'Allah par la prière. Fakulluna yashku annahu la yajidu ta'aman aw la yajidu ta'aman lil iman. الكثير منا لا يجد طعما للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة ولا للحج ولا لأي شيء من العبادات. فعلى الإنسان أن يجتهد حتى يعلي مستواه الإيماني حتى نصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. فنبدا بالسبب الاول الذي يعين الانسان على زياده ايمانه. هذا السبب هو تلاوه كتاب الله تبارك وتعالى. تلاوه كتاب الله تبارك وتعالى. وعلينا جميعا ان نتساءل سؤالا، ما هو حظ القران في حياتنا اليوميه؟ ما هو حظ القران؟ ما هو حظ كتاب الله تبارك وتعالى؟ من له أو من منا له ورد يومي؟ يعني لا يتخلف عنه أبدا ولا ينفك عنه، مثلا صفحة أو صفحتين أو حزب أو جزء. الكثير منا يقرأ أحيانا شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، و الأغلبية الساحقة لا يقرأ شيئا من كتاب الله البتة. الآيات القرآنية التي يقرأها هي سورة الفاتحة وبعض الآيات في الصلاة فقط، رغم أن تلاوة كتاب الله هي من الأمور التي تزيد في إيمان العبد. ذكرنا قول الله تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والنبي صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه تبارك وتعالى أن أمته قد هجروا كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال بزماننا هذا، الناس اللي تركوا وهجروا تلاوة كتاب الله وهجروا العمل به وهجروا تدبره وهجروا الاستشفاء به وهجروا الدعوة إليه وهجروا كذلك حفظه، فهجروا القرآن بجميع صوره وجميع الأمور المتعلقة به. طيب، لو كان أجر القرآن أجرا عاجلا، طيب لو قلت من قرأ حزبا في اليوم فله 100 يورو مثلا، لو قلنا يقرأ حزب في النهار ياخذ 100 يورو، كيف كيف سيتصرف المسلمون ها سينكبون على تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى وسيقدمون عليه كل شيء الطعام والشراب والأولاد وكل شيء ولكن الله عز وجل من حكمته جعل أجر القرآن آجلا غير آجل أو آجلا غير عاجل ولكن الناس كما قال الله تبارك وتعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة فالناس يحبون العاجلة ويؤثرونه على الآجل Donc la première cause qui aide à augmenter notre foi, c'est la lecture du Coran. La lecture du Coran. Et il faut que chaque musulman se pose la question, quelle est la part du Coran dans notre vie ? Quelle est la part donnée à la lecture du Coran dans notre vie ? Qui d'entre nous possède ou bien a un rythme régulier de lecture ? Même si c'est un petit rythme. Une page, deux pages, un hizb, deux hizb par jour, c'est-à-dire qu'il ne peut délaisser cela. Presque personne. Certains musulmans lisent le Coran dans certaines occasions. La majorité des musulmans ne lisent pas du tout le Coran. Le seul Coran qu'ils lisent, c'est lorsqu'ils récitent Surat al-Fatiha et quelques versets pendant la prière. Ou bien les versets qu'ils entendent de l'imam de la mosquée lorsqu'ils récitent. Les Corans dans les maisons se plaignent de la poussière, tellement ils ne sont pas utilisés. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous parle de la plainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura » Et le prophète a dit « Ô Seigneur, mon peuple a pris ce Coran comme, ou a traité ce Coran comme une chose délaissée. » Ça c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc que penser des musulmans à notre époque? Il n'y a aucune place pour le Coran dans la vie des musulmans. Les musulmans ils ont délaissé la lecture du Coran, ils ont délaissé la méditation du Coran, ils ont délaissé l'appel à la voix du Coran, ils ont délaissé le fait de se guérir par le Coran, ils ont délaissé le fait de mémoriser le Coran, ils ont délaissé le Coran dans toutes ces sortes. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qara hafan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha thumma qala sallallahu alayhi wa sallam la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Le prophète dit celui qui récite une lettre du Coran il aura une hasana qui sera multiplié par 10. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre quel est le but de cette lettre. Il ne dit pas, je ne vous dis pas que alif, lam, mim, c'est une seule lettre. Non, alif, c'est une lettre, lam, c'est une lettre, et mim, c'est une lettre. Donc la personne elle est récompensée pour chaque lettre qu'elle lit. وَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ كَلَامٌ يُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ غَيْرُ الْقُرْآنِ. Il n'y a aucune parole sur terre qui est une, dont la lecture est une adoration à part le Coran. طيب كم حرف كم حرفا في كتاب الله il y a combien de lettres dans le Coran il y a plus de 300 000 lettres il y a dans le Coran plus de 300 000 lettres إذن الختمة بثلاثة ملايين حسنة la personne qui dirait le Coran du début de surat al-Fatiha jusqu'à surat al-Nas bi'iznillah elle obtiendrait 3 millions de hasana. 3 millions de hasana pour avoir récité le Coran du début jusqu'à la fin. Mais comme on a dit, les musulmans, ils préfèrent les récompenses qui arrivent vite. Les récompenses de ce bas monde. Si nous disions aux musulmans, si tu récites une page ou bien un hizb, tu auras 100 euros. 100 euros par hizb, 100 euros par page, nous trouverons tous les musulmans en train de lire, délaissant même la nourriture, la boisson, les enfants et même le travail. Pourquoi ? Parce qu'ils auront cette récompense. Mais lorsqu'on leur parle de récompense dans l'au-delà, à ce moment-là, il n'y a plus personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Kalla bal tuhibbuna al-ajila. C'est-à-dire, non mais certes, vous préférez la vie de ce bas monde. Wa tadharuna al-akhirah. Et vous délaissez la vie de l'au-delà. وكذلك يقال يوم القيامة لصاحب القرآن اقرأ يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة يعني ترقى وترفع اقرأ ورقة كما كنت تقرأ أو كما كنت ترتل في هذه الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فإنسان يوم القيامة إذا كان صاحب القرآن في الحياة الدنيا يطلب منه أن يقرأ فكلما يقرأ يرتفع درجة يرتفع درجة وهذا خاص بأصحاب القرآن الذين كانوا يكثرون من تلاوته ومن تدبره ومن حفظه ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله منهم الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن يقول أن عدد المنازل في الجنة بعدد الآيات القرآنية لماذا؟ لأن الإنسان يقرأ وكلما ختم آية يرتقي فإذا ختم القرآن كله ليس هناك درجة أعلى مما وصل إليه وهذا اجتهاد منه رحمه الله Donc également, Yawm al-Qiyama, il sera dit à la personne qui donnait beaucoup d'importance au Coran dans ce bas monde, il lui sera demandé qu'il récite. Iqra, warqa, lis et élève-toi. Et psalmodie le Coran comme tu le faisais ici-bas. Et le degré auquel arrivera la personne sera en fonction du dernier verset qu'il aura récité. Ça, c'est un honneur et une vertu pour les gens qui récitaient le Coran ici-bas et se trouveront élevés yawm al-qiyama au-dessus de tous les autres. Certains savants parmi eux, l'imam al-Khattabi rahimahullah, donc un grand savant Abu Sulayman, il dit que le nombre des degrés du paradis, c'est le même nombre que le nombre de versets qu'il y a dans le Coran, du fait qu'il sera dit à cette personne de lire et de s'élever après chaque verset. Donc si la personne aura fini le Coran en entier, il n'y aura plus au-dessus de cela de degrés à atteindre. Donc ça c'est son avis, rahimahullah. الأمر الثاني مما يزيد في الإيمان وهو متعلق كذلك بكتاب الله تبارك وتعالى وهو تدبر القرآن. فالإنسان يؤجر بمجرد التلاوة. بمجرد التلاوة الإنسان يؤجر على ذلك ولكن لا بد أن يحاول الإنسان أو يحاول الإنسان أن يتجاوز مجرد التلاوة وعليه أن يصل إلى منزلة التدبر وهو التأمل والتفكر فيما قاله الله تبارك وتعالى في كتابه يقول الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح سن يعني ليلة كلها قرأ آية واحدة حتى أصبح يركع بها ويسجد ويقول الله تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فلما أصبح قال له أبو ذر يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا رواه أحمد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليلة كاملة وهو يقرأ بآية واحدة ويتأملها يكررها ويركع ثم إذا أتى إلى ركعة جديدة فإنه يعيد هذه الآية ويتدبرها صلى الله عليه وسلم. Donc la deuxième chose également qui fait augmenter la foi, le fait de méditer sur les versets du Coran. Le fait de méditer sur les versets du Coran. Le fait de lire, c'est bien. Mais le fait de méditer ces versets, c'est encore mieux. Du fait que le Coran a été révélé afin que les gens le méditent. Kitab anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. C'est un livre que nous avons fait descendre, qui est béni afin que les gens méditent ces versets. Afin que les gens méditent ces versets et que se rappellent les gens doués d'intelligence. Abu Zar al-Ghifari, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a fait la prière toute la nuit en récitant un seul verset. Qui est le verset de Surat Al-Ma'ida, In tu'adhibuhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa'innaka al-'azizul hakim. Si tu les châties, ce ne sont que tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi en vérité le puissant et le sage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de répéter ce verset jusqu'au matin. Abu Zar, le matin, il lui a alors dit, ô messager d'Allah, tu n'as cessé de réciter ce verset jusqu'au matin. Donc avant la prosternation, avant l'inclinaison, pourquoi? Quelle est la cause de cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alors, j'ai demandé à mon Seigneur al-Shafa'a l'intercession pour ma communauté et il me l'a donné et elle sera inshallah pour ceux qui n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pensait pas au nombre de versets qu'il a récités. Il a préféré réciter un verset en le répétant afin de méditer ses sens, plutôt que de lire beaucoup de versets. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة يقول فإذا قرأه يعني القرآن بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. L'imam Ibn al-Qayyim, justement, il a une parole par rapport à cela, au fait, quelle est la meilleure chose, de réciter quelques versets en les méditant ou réciter le Coran entièrement. Il nous dit que si la personne récite avec méditation et passe par un verset, donc, elle passe par un verset qui lui est utile qui lui est utile pour soigner et pour guérir son cœur et qu'il répète ce verset 100 fois ou bien même toute la nuit en méditant et en analysant et en comprenant ce verset, cela est mieux que la lecture de tout le Coran. Cela est mieux que la lecture de tout le Coran et plus utile pour le cœur et cela amène la foi et apporte également le fait de goûter la saveur du Coran. وهناك حديث آخر عطاء ابن أبي رباح قال دخلت أنا وعبيد ابن عمير دخلت أنا وعبيد ابن عمير على عائشة رضي الله عنها فقال لها ابن عمير أخبريني بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسكتت رضي الله عنها ثم قالت لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي سسم يستأذن عائشة رضي الله عنها ويقول لها ذريني أتعبد الليلة لربي قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي قال فلم يزل يبكي حتى بل حجره قال ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته قال ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبكي حتى يبل يعني لحيته وحتى يبل الأرض. طيب واحد منا حتى لو بكى شرى يبكي يعني دمعة دمعتين ثلاث دموعات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبكي بكاء شديدا حتى يعني بل حجره وبل لحيته وبل الأرض. فجاء بلال يؤذنه للصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. الويل يعني الهلاك. Également un autre verset qui prouve que le prophète صلى الله عليه وسلم méditait sur le Coran. عطاء بن أبي رباح il nous dit je suis rentré moi et Ubayd ibn Umair chez la mère des croyants Aïcha radiallahu anha. Et Ibn Umair alors dit à Aïcha radiallahu anha, raconte-moi la chose la plus étonnante que tu as vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est tue et elle a réfléchi. Ensuite elle a dit, une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, ya Aïcha, laisse-moi adorer et me vouer cette nuit à mon Seigneur. Aïcha lui a alors dit, Wallahi, j'aime quand tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'aime également ce qui te fait plaisir. Il a dit, elle a en fait dit, j'aime lorsque tu es proche de moi. Aïcha lui a dit, j'aime quand tu es proche de moi, mais j'aime également ce qui te fait plaisir. Donc elle a laissé aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète s'est levé, a fait ses ablutions, puis a prié. Et il n'a cessé de pleurer jusqu'à ce qu'il mouille le bas de ses vêtements. Elle dit ensuite, il n'a cessé de pleurer jusqu'à ce que toute sa barbe soit mouillée, sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, il n'a cessé ensuite de pleurer jusqu'à ce que la terre sur laquelle il priait, sallallahu alayhi wa sallam, était entièrement mouillée. Je disais tout à l'heure, regardez la différence entre nous et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Admettons que l'un d'entre nous soit amené un jour à pleurer. Min khashyatillah, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On arrive à quel niveau ? On arrive à une larme, deux larmes, trois larmes, peut-être quatre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleure jusqu'à mouiller ses vêtements, mouiller sa barbe entièrement et mouiller même le sol sur lequel il prie sallallahu alayhi wa sallam. Bilal est venu le matin pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète il lui a dit, pourquoi pleures-tu alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés antérieurs et à venir. Le prophète il a alors dit, afala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant. Un verset m'a été révélé cette nuit, malheur à celui qui le récite sans le méditer. Malheur à celui qui récite ce verset sans le méditer. Et c'est le verset de Sourate Ali Imran où Allah dit Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilaf al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. C'est-à-dire qu'il y a dans la création des cieux et la terre, et l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour les gens doués d'intelligence. Le prophète nous dit, malheur à celui qui lit ce verset sans le méditer. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit-il cela? Car ces signes qui sont les cieux et la terre, et également le jour et la nuit, sont des signes prouvant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la personne observe le ciel, elle se rend compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu tel un toit. Allah subhanahu wa ta'ala également, il l'a embelli par les étoiles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, yani yumsiku samaa antazula. Allah il tient le ciel et il l'empêche de tomber sur nos têtes. Également, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a affermie afin qu'elle ne nous renverse pas. Et il l'a rendue facile afin que les gens puissent y habiter. Donc toutes ces choses-là, si le musulman, il méditait ces choses, si le musulman méditait tous ces signes, il se rendrait compte de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, lorsque le musulman, par exemple, il achète un objet quelconque, une voiture, un ordinateur, n'importe quoi, et qu'il trouve étonnante, ou bien il trouve étonnant cet objet, ça va lui montrer la grandeur de la personne qui l'a fabriqué. Il va commencer à vanter telle ou telle marque, à faire l'éloge de telle ou telle marque. Pourquoi ? Parce qu'il est ébloui par tel ou tel objet. Et comment le musulman ne peut-il pas être ébloui ? Par les cieux, par la terre, par les montagnes, par l'alternance de la nuit et du jour, et par également les mers et toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة توقف صلى الله عليه وسلم وسأل الله تبارك وتعالى من فضله وإذا مر بآية فيها عذاب توقف صلى الله عليه وسلم وتعوذ بالله تبارك وتعالى. Le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est pour sa grande méditation du Coran, le fait que lorsqu'il passait par un verset pendant lequel était citée la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il demandait que cela l'atteigne par la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faisait pas que lire, parce qu'il passait par un verset dans lequel il y avait la miséricorde, il s'arrêtait et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Également, lorsqu'il passait par un verset dans lequel était cité un châtiment, il s'arrêtait sallallahu alayhi wa sallam et il demandait la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. السبب الثالث حضور مجالس الذكر حضور مجالس الذكر وفي الحديث المشهور وهو من الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في الأربعين وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمل لم يسرع به نسر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا مدح وأثنى على الذين يحضرون مجالس الذكر أن هذا الثواب وهذا الفضل يعني يحيط بهم فتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده الذي يحضر مجالس الذكر. وكذلك ثبت في صحيح مسلم أن رجلا اسمه حنظلة الأسيدي رضي الله عنه لقي أبا بكر في طرقات المدينة فقال له أبو بكر كيف أنت يا حنظلة؟ فقال له نافق حنظلة, يعني وقعت في النفاق. فقال له أبو بكر سبحان الله ماذا تقول؟ ماذا الكلام أنك نافقت؟ فقال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني في مجالسه, يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين, يخبرهم بالجنة والنار وكأنهم ينظرون إليهما. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات, يعني العمل, فنسينا كثيرا. قال له أبو بكر, يعني خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم, قال له فوالله إنا لنلقى مثل هذا. هذا أبو بكر الصديق, يعني أفضل الصحابة, قالوا إنا لنجد مثل هذا. نحتاحنا من كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرنا بالجنة والنار فكأنهما رأي عين فإذا خرجنا نسينا كثيرا. طيب أنا في زماننا لو جاك واحد تقول لك أنا عندي ضعف في الإيمان شو هتقول لي؟ ها؟ هتقول لي أنت أنا؟ هتقول لي أنت درتي شي حاجة ولكن ما غتخش راسك معاه ولا لا؟ لا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنا نجد مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ يعني شنو وقع؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ساعة وساعة شنو معنى ساعة وساعة؟ ها؟ اختر اختر شي 12 شي 12 لا مراد النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة يعني أن الإنسان لابد أحيانا أن تعتريه الغفلة، فكل واحد لابد أن يصاب بشيء من الغفلة وشيء من الفتور أثناء يعني حياته الإيمانية، ليس كما يفهمه الكثير. فمن الناس من يظن أن إذا وقع في معصية يقول لك كان ساعة وساعة، وهذا كلام خطير. علاش؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بالمعصية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن أبدا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، النبي صلى الله عليه وسلم المستحيل أن يأذن حنظلة بالمعصية. فساعة وساعة يعني أن الغفلة لابد أن تعتري الإنسان، فهو أمر طبيعي، فلا يعني ذلك أنه وقع في النفاق. également parmi les hadiths qui prouvent donc la troisième chose, le fait d'assister aux assises de rappel, quel qu'il soit, assises de lecture de hadith, assises de lecture du Coran, assises de cours religieux, assises de cours dans la langue arabe, etc., etc. Tout ce qui rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui emprunte un chemin par lequel il désire la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera un chemin vers le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, lorsqu'il y a un peuple qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah pour réciter le Coran et l'étudier entre eux, Sakina, la quiétude descend sur eux, et Ar-Rahma les enveloppe ainsi que les anges, et Allah subhanahu wa ta'ala cite ces gens-là auprès de lui. Donc toutes ces choses-là sont seulement pour les gens qui assistent aux assises de rappel. Aux assises de rappel, ce qui permet la quiétude de descendre sur eux, la miséricorde de les envelopper, les anges de les entourer, et Allah subhanahu wa ta'ala cite ces gens qui sont assis dans ces assises auprès de lui, c'est-à-dire auprès des anges. Même les compagnons radiallahu anhum, leur foi augmentait lorsqu'ils assistaient aux assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hanzala al-Usaydi radiallahu anhu, un jour il a rencontré Abu Bakr radiallahu anhu dans les chemins de Médine. Il lui a alors dit Nafaqa Hanzala, c'est-à-dire Hanzala, moi je suis tombé dans l'hypocrisie, je suis devenu un hypocrite, c'est-à-dire que je veux montrer la foi alors qu'en vérité je ne crois pas. Abu Bakr, il lui a alors dit Subhanallah, qu'est-ce que tu racontes? Hanzala lui a alors dit, lorsque nous sommes assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous parle du paradis, qu'il nous parle de l'enfer, c'est comme si nous les voyons devant nous. Puis, lorsque nous quittons le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nous nous occupons de nos femmes, de nos enfants, du travail, on oublie tout ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la foi baisse. Abu Bakr, en entendant cela, il lui a dit Inna lanalqa mithla hadha. Même moi, qui est Abu Bakr, la meilleure des personnes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ressens ça moi-même. Les compagnons, radiyallahu anhu, ils n'avaient aucun mal à reconnaître lorsqu'il donc, il leur arrivait ce qui arrivait à d'autres musulmans. Hanbala s'est alors rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr et il lui a répété la même phrase: je suis tombé dans l'hypocrisie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'est-ce que tu racontes? Il lui a alors dit: lorsque nous sommes avec toi et que tu nous rappelles l'enfer et le paradis, c'est comme si nous les voyions devant nous. Puis lorsque nous sortons de chez toi et nous occupons des femmes, des enfants et du travail, nous oublions beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous restiez dans la même situation dans laquelle vous êtes lorsque vous êtes avec moi, les anges viendraient alors vous serrer la main sur vos lits et dans les rues, car vous aurez alors atteint un haut niveau de foi. Et il lui a dit: walakin ya hanzala sa'atun wa sa'atun wa sa'a. C'est-à-dire que, au hanzala, il y a des périodes où la foi baisse et des périodes où la foi augmente. On a dit également que sa'atun wa sa'a, ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il permet aux gens d'accomplir des péchés. Car il y a des gens, parfois, qui accomplissent des désobéissances, et lorsqu'on leur dit: ya akhi, c'est interdit, c'est haram, ils nous disent sa'atun wa sa'a. C'est-à-dire, sa'a li qalbi wa sa'a li rabbi. C'est-à-dire, un moment pour moi et un moment pour mon Seigneur. Non, il est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte et approuve que les musulmans désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحث بعضهم بعضا على حضور مجالس الذكر. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه لأحد أصدقائه: اجلس بنا نؤمن ساعة. يعني اجلس بنا نؤمن ساعة. وعبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه له: تعال حتى نؤمن ساعة. يعني تعال اجلس معنا أن نؤمن واحد الوقيتة. فقال له الرجل: أولسنا بمؤمنين؟ أولسنا بمؤمنين؟ فقال له عبد الله بن رواحة: بلى، ولكننا نذكر الله فنزداد إيمانا. Également les compagnons رضي الله عنهم ils s'incitaient mutuellement à assister aux assises, à assister aux assises de rappel, aux assises de lecture. Mu'adh ibn Jabal il disait aux gens: اجلس بنا نؤمن ساعة. Assis-toi avec nous afin de faire augmenter ta foi un seul instant. Abdullah ibn Rawaha, un jour, il a dit à un homme: assieds-toi avec nous afin de faire augmenter ta foi. L'homme, il lui a alors dit: ne suis-je pas un croyant? Il lui a dit: assieds-toi avec nous afin que nous nous rappelions Allah et cela nous permettra d'augmenter notre foi. Walifadl, hudur majalis al-dhikr, ya'lamun Allah tabaraka wa ta'ala وكل بعض الملائكة لالتماس المجالس لالتماس المجالس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل سأذكره باختصار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك. قال: يقول: وإلا رأوني والناس لدك وشافوني إلا رأوني. فتقول الملائكة: يا لا يا رب، يعني ما رأوك. فيقول الله تبارك وتعالى: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا. إلى آخر الحديث. في آخر الحديث الله عز وجل يقول: إني أشهدكم أني قد غفرت لهؤلاء الذين يحضرون مجالس الذكر. فتقول الملائكة: إن فيهم رجلا ليس منهم جالس معهم، ولكن يعني نيته ليس حضور مجلس الذكر. مثلا عنده موعد مع الشيخ جالس في الدرس مثلا. فيقول الله تبارك وتعالى الملائكة: هم الجلساء لا يشقى معهم جالسهم. الله عز وجل يغفر لهؤلاء كلهم حتى الذي ليست نيته حضور المجلس. Donc ce qui prouve également la grande valeur d'assister au aux assises. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait confié comme tâche à des anges le fait de rechercher les assises de rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède des anges qui parcourent les rues en recherchant les gens du rappel. Et lorsqu'ils trouvent un peuple qui se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, les anges s'appellent mutuellement en disant « Voilà ce que vous cherchez ». Et alors ils les entourent de leurs ailes. Allah Azza wa Jal demande alors aux anges, malgré qu'ils sachent mieux, que eux, que disent mes serviteurs ? Les anges diront « Ils te glorifient, ils citent tes louanges et ils t'adorent ». Allah dira alors « Et est-ce qu'ils m'ont vu pour faire tout ça ?» Les anges diront « Non, ils ne t'ont pas vu ». Allah dira alors « Et quelle aurait été alors leur situation s'ils m'avaient vu ?» Les anges diront « S'ils t'avaient vu, ils te glorifieraient encore plus, ils t'adoreraient encore plus et te loueraient encore plus. » Donc le hadith il est un peu long. À la fin de ce hadith, Allah Azza wa Jalla, il dit aux anges « Je vous prends pour témoin que j'ai pardonné à ces gens-là qui étaient présents dans ces assises. » Les anges dirent alors à Allah subhanahu wa ta'ala « Il y a parmi eux un homme qui ne fait pas partie de ces gens-là. » Et il est assis avec eux, mais son but n'était pas d'assister à cette assise. Allah dira alors « Humul julasa la yashqa ma'ahum jalisuhum » C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont assis dans cette assise et toute personne qui s'assit avec ces gens-là ne sera jamais malheureux. Allah Azza wa Jalla donc englobe tous ces gens-là par sa miséricorde. Le hadith sahih. السبب الرابع ونختم به إن شاء الله تبارك وتعالى ترك المعاصي مما يزيد في الإيمان ترك المعاصي خوفا من الله تبارك وتعالى ليس عجزا فمن يترك المعاصي عجزا لا يثب ولا يزيد إيمانا. Donc la dernière des causes également, le fait de délaisser les péchés. Parmi les choses qui font augmenter la foi, le fait de délaisser les péchés. Et délaisser les péchés par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne délaisse pas les péchés parce qu'on en est incapable. Il y a des gens qui délaissent les péchés parce qu'ils en sont incapables. Ils ne boivent pas d'alcool parce qu'ils n'ont pas d'argent pour l'acheter. Ils ne se droguent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en procurer. Non. Ces gens-là n'ont aucune récompense et leur foi n'augmente pas. Ce qui fait augmenter la foi, c'est le fait de délaisser les péchés pour Allah subhanahu wa ta'ala. حذيفة بن اليمان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربدا كالكوز المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء رواه مسلم. حذيفة بن اليمان il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les épreuves, les fitan, sont exposées au cœur de l'individu comme une natte, hasira, oudan oudan, branche par branche. Lorsqu'on veut fabriquer une natte, donc on met une branche et on les lit une à l'autre. Il nous dit que c'est ainsi que les épreuves sont exposées au cœur de musulmans. Oudan oudan. Ils sont très nombreuses. Et chaque cœur qui accepte cette épreuve, ce péché, il y a alors un point noir qui vient s'inscrire sur son cœur. À chaque fois que tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un point noir qui vient s'inscrire sur ton cœur. Et si ton cœur refuse ce péché, il y a alors un point blanc qui vient s'inscrire sur ton cœur. Et les choses évoluent jusqu'à ce que les individus soient de deux catégories. Il y a des gens qui ont un cœur tout blanc, lisse, et des gens qui ont un cœur tout noir. Et en plus d'être tout noir, ou à quelque cause, le mujahriyen, c'est comme un verre retourné. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut y entrer. Il y a des gens, ils ont tellement commis de péchés dans leur vie, que même lorsque tu leur parles de l'enfer, tu leur parles du paradis, tu leur parles de la récompense des gens du paradis, tu leur rappelles les versets du Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'a aucun impact pour eux. Pourquoi? Parce que leur cœur est comme un verre retourné. Et un verre retourné, tu ne peux plus rien n'y mettre. C'est pour ça que la personne, il faut qu'elle fasse très très attention à ne pas commettre trop de péchés, afin que son cœur n'arrive pas à ce stade. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن من؟ عن الزاني وعن الشارب الخمر وعن السارق عياذا بالله، ما يدل على أن إيمان هؤلاء قد نقص عندما ارتكبوا هذه الذنوب العظام. Également le professeur sallam, il nous dit que celui qui commet la fornication n'est pas croyant au moment où il la commet. Celui qui vole n'est pas croyant au moment où il vole. Celui qui boit de l'alcool n'est pas croyant au moment où il boit cet alcool. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer que tous ces péchés-là sont des choses qui diminuent la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une image importante en nous disant que cette personne n'est pas croyante. À ce moment-là, la personne, sa foi a tellement diminué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé à une personne non croyante. Et l'ishkal fi zamanina, le problème à notre époque est que les gens n'ont pas conscience de ce qui est adoration et de ce qui est interdit. Les gens, si on leur demande qu'est-ce que c'est que les adorations, ils vont nous citer 5-6 choses, les 5 piliers de l'islam, sans plus. Alors que les adorations, c'est toute chose qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, si on pose des questions, une question aux gens en leur parlant des péchés, qu'est-ce que les péchés? Ils vont nous parler du vol, du meurtre, de la fornication, etc., etc. Alors que les péchés sont très nombreux. L'imam Zahabi dans le Kaba'i, il a cité 70 parmi les grands péchés, sans citer les petits péchés. Donc il y a des gens également, le problème lorsqu'ils déterminent les péchés et qu'ils ne veulent pas admettre que d'autres péchés sont également interdits, ils les commettent. Il y a des gens lorsqu'on leur dit « Ya akhi, la chose que tu fais c'est interdit. Ya akhi, tu viens de tomber dans la médisance. Ya akhi, arrête de regarder des films à la télévision. » Qu'est-ce qu'il nous dit? Au Malik, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai qu'un rire jamais. Il n'y a pas que le fait de détruire une mosquée qui sont interdits. Alors, tous les péchés, toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que le musulman les évite. Les grands péchés comme les petits péchés. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre le fait de mépriser les petits péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Iyyakum wa muhaqqarati dhunub. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. Le prophète dit faites attention au fait de mépriser les péchés. La personne elle désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et elle pense que tous ces péchés ne sont que des petits péchés. Le prophète dit attention à vous de ne pas tomber dans محقرات الذنوب, le fait de mépriser et de minimiser les péchés, car tous ces petits péchés se réunissent sur l'individu et l'emmènent à sa perte. وعلى الإنسان دائما أن يراقب الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى عالم الغيب والشهادة. Donc il faut que le musulman, on va finir par cela, car c'est l'heure de la prière, inshallah tabaraka wa ta'ala, même s'il y avait encore des points à citer, il faut que le musulman craigne Allah subhanahu wa ta'ala au grand jour et lorsqu'il se retrouve seul. Allah, il nous voit n'importe où nous sommes. Peut-être que tu apparais aux yeux des gens comme une personne pieuse, une personne qui obéit aux ordres d'Allah, aux ordres de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque tu te retrouves dans un endroit où personne te voit, tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. An Thawban, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an uqal, la a'lamanna aqwaman min ummati يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهاما بيضا فيجعله الله تبارك وتعالى هباء منثورا. يشوف أعمال كثيرة بحال الجبال لكن الله عز وجل سيرد هذه الأعمال هباء منثورا. قال الثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن نكون منهم. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يخافون أن يكونوا داخلين في هؤلاء, صفهم لنا جلهم لنا حتى لا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رواه ابن ماجه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a dit à ses compagnons, je connais un peuple parmi ma communauté qui viendront yawm al-qiyama avec des œuvres immenses, immenses comme des montagnes. Ils auront jeûné, prié, donné de l'aumône, fait le pèlerinage, etc., etc. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal rendra toutes ces œuvres telles de la poussière éparpillée. Thauban a alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, décris-moi ces gens-là. Montre-nous leurs caractéristiques afin que nous prenions garde de ne pas faire partie d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce sont vos frères et ils sont de la même origine que vous. Ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun. Il prie la nuit lorsque vous le faites, comme vous le faites, mais ce sont un peuple, lorsqu'ils se retrouvent seuls avec les interdits, ils les commettent. Ces gens-là, Allah Azza wa Jalla rendra toutes leurs œuvres comme de la poussière éparpillée. Et également, le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala en secret ne fait pas partie des caractéristiques des croyants. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit en parlant des hypocrites dans Sourate An-Nisa? Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Allah il a dit en parlant des hypocrites dans le Coran, ils se cachent des gens mais ils ne se cachent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est avec eux lorsqu'ils prononcent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. Et il dit également wa ma yakunu min najwa thalathati illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum ila makan. Il n'y a pas une conversation de trois personnes sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit la quatrième, ou bien quatre personnes sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit la sixième, et ni plus ni moins. Allah Azza wa Jal donc observe les musulmans, observe tous les hommes où qu'ils soient, en secret et en public. وعلى المسلم كذلك أن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يجدد له إيمانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق يعني يبلغ في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit également qu'il faut que le musulman il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de revivifier sa foi, de revivifier sa foi. Qui d'entre nous a déjà fait cette invocation de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner une foi nouvelle et qui augmente? Le prophète il nous dit que la foi la yakhlaqu, c'est-à-dire s'abîme comme s'abîme un vêtement. La foi s'abîme et s'use comme s'use et s'abîme un vêtement. Il dit alors fas'alou Allah an yujaddid al-iman fi qulubikum, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il renouvelle la foi dans vos cœurs. Wa naktafi bi hadha wa sallallahu ta'ala an yazida imanana fi qulubina wa an yujaddida lana imanana fi qulubina wa an yarzuqana al-ikhlasa fi a'malina kulliha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله في أخينا رضا على هذه الكلمة.